Ces rapatriés ont vécu, il faut le dire, douloureusement pour la plupart, leur retour ou même l'arrivée tout court en métropole en 62. Ils étaient près d'un million. Mais à force de courage, beaucoup d'entre eux ont réussi. Issu d'une famille de pieds noirs, Fabrice Rodriguez a 43 ans. Il vit et travaille à Toulouse. Depuis son plus jeune âge, il se sent appartenir à la communauté des Français d'Algérie. Pour lui, la mémoire et les traditions qu'il a héritées de ses parents doivent perdurer et cimenter dans un esprit de communauté les générations à venir. Délégué régional de la Coordination nationale des Français d'Algérie à Toulouse, il est à l'origine d'une journée commémorative qui vise à rendre hommage aux victimes du massacre du 5 juillet 1962 à Oran. Ce jour-là, alors que l'Algérie se réveille libre et indépendante, l'horreur va s'abattre sur la ville portuaire du nord-ouest de l'Algérie. La foule qui vient du quartier arabe et qui se dirige sur celui des Européens va enlever, égorger, tuer au revolver et à la mitraillette toute personne qui croise son chemin. Au bout de quelques heures, les cadavres jonchent les rues de la ville. On en trouve pendus au crochet des bouchers, dans des poubelles. Un massacre perpétré sous le nez et à la barbe de l'armée française qui, tenue informée de la tournure désastreuse que prenaient les événements, n'interviendra jamais. Je vous propose d'entendre Fabrice Rodriguez. Il nous raconte l'histoire de sa famille et tente de faire la lumière sur le rapport qu'il entretient avec ce passé qui n'est pas directement le sien. Mes parents sont arrivés en 1962. Ma mère est arrivée fin juin 62, donc toute seule par l'avion, faisant Oran-Toulouse, avec ma sœur attachée à la ceinture par une laisse pour enfants et avec une valise, un panier. Voilà, ne sachant pas à l'époque où était mon père encore. Et votre père est arrivé plus tard ? Mon père est arrivé plus tard. Quelle était leur situation là-bas, en Algérie ? Ma mère travaillait comme secrétaire et mon père était rentré dans la police nationale. Lorsqu'ils sont arrivés en France, quel a été l'accueil qui leur a été fait, voire à eux en particulier et aux pieds noirs en général, puisque c'est l'occasion d'en parler. Et est-ce qu'ils ont retrouvé une situation telle qu'ils avaient pu la quitter en Algérie? Bon, concernant l'accueil, les choses sont bien sûr mitigées. On n'est pas dans quelque chose de manichéen. C'est pas bon ou mauvais. Il y a eu par certaines personnes un mauvais accueil, par d'autres un accueil très généreux. Mais je pense que le mauvais accueil qu'il y a eu était dû surtout à l'ignorance des gens des métropolitains concernant les pieds noirs. Certains leur demandaient « Ah, vous n'êtes pas noir, ah, vous êtes blanc, ah, vous n'avez pas les pieds noirs ». Donc il y avait vraiment toute une méconnaissance qui ont fait que l'accueil soit pas très très bon. Mais je pense que c'est même de la part de l'État. Bon, l'État n'en parlons pas. Je veux dire par là que quand nous avons entendu certains ministres dire que les pieds noirs ne venaient que pour des vacances, alors qu'on savait très bien qu'ils venaient pour fuir la mort, puisque c'était la valise ou le cercueil. Donc l'État est un trop vaste sujet pour y consacrer le temps de notre interview. Cependant, il y a des personnes qui, eux, ont très bien accueilli les pieds noirs. Seulement, ils étaient en grande minorité. La bataille de Bab el Oued dura 3 jours et coûta la vie à 15 soldats et à 20 pieds noirs. À l'époque de Bab el Oued, les événements du 23 mars prouvent que l'armée et toutes les forces de l'ordre iront sans restriction ni réserve jusqu'au bout de leur devoir. Vous connaissez les garanties qui vous sont assurées. Mettez fin au combat fratricide. Rendez les armes et cessez le combat. Mais c'est-à-dire que les gens se faisaient d'abord l'image des pieds noirs comme étant des gens pour lesquels leurs enfants allaient se battre. C'est la première image. Parce qu'avant la guerre d'Algérie, vous parlez à un métropolitain du pied noir, ils s'en foutent. Ça a commencé lors de la guerre d'Algérie, lorsque des gens ont vu leurs enfants partir se battre, en se disant, bon, ben, ils vont se battre pour des gens, on les connaît pas, etc. quoi. Donc, si vous voulez, les personnes ne savaient pas ce qu'était un pied noir. Pour eux, c'était quelqu'un qui habitait loin. Pour eux, c'était pas un Français, quoi. Ils disaient que pour eux, c'était un colon, et encore aujourd'hui? dans l'esprit de certains métropolitains encore, beaucoup moins maintenant, parce que le travail qui a été fait depuis de très nombreuses années par beaucoup de pieds noirs ont démontré en fait que ce n'était pas le cas. Mais dans l'esprit de certains métropolitains, le pied noir est encore un gros colon, maniant le fouet, assis sur un cheval avec un casque colonial, quoi. Mais bon, tout le monde sait aujourd'hui que c'est une image fausse. Par définition, le pied noir n'est pas un colon. Les colons, c'était justement déjà des métropolitains riches qui, eux, allaient justement s'installer en Algérie française. Mais le pied noir est quelqu'un qui a fui la misère. La misère des conditions politiques. On trouve en Algérie des Alsaciens. Pourquoi ? Parce qu'on leur a donné le choix. Soit vous devenez allemand, soit vous allez peupler un nouveau pays. Vous trouvez des Espagnols qui ont fui à la misère, des Maltais, des Italiens, des Portugais. Vous trouvez des Polonais, des gens d'Europe de l'Est. C'est un creuset où se sont fondues vraiment beaucoup de races. Il y a des gens, des familles dont le mari a une consonance polonaise, marié avec une fille d'origine espagnole. Il y a 20 ans qu'ils s'étaient dispersés, les jeunes gars de Staweli, un petit village de 2500 habitants situé à 22 km d'Alger. 20 ans après, mais en France, ils se retrouvent. Ils ont mûri, bien sûr. Mais leur nouvelle vie, ils l'ont réussi. Chacun à leur manière. Pour vous, mesdames, qui étaient des Françaises de métropole, ça signifie quoi d'être mariée à des pieds noirs? Dure question. Je crois que ça commence par une certaine adaptation. L'essentiel de la mentalité pied noir, c'est que quand on épouse un pied noir, en général, on épouse la famille. Non, moi, personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait tellement de différence. Je trouve qu'un pied noir, c'est un Français comme un autre. Alors, Que vous ont dit vos parents au sujet de l'Algérie? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait passer? Ils m'ont fait passer ce que moi je pourrais faire passer aussi à mes enfants, c'est-à-dire l'endroit où l'on vit au monde, un endroit où le climat dit déjà qu'il fait bon vivre, où on travaille beaucoup, où la notion de labeur est très importante. Moi je viens d'une famille où, de par mon grand-père maternel, c'est quelqu'un qui était orphelin de père et de mère à 14 ans. Ma grand-mère maternelle a arrêté l'école à l'âge de 9 ans. Elle écrivait comme elle parlait. Ils ont créé un café. S'il y avait un local, ils ont créé un café. Mon grand-père étant électricien, il a bossé comme un fou dans ce café. Il a monté sa société. Ils ont fait construire un immeuble. Ils ont acheté une boulangerie. C'est des gens qui bossaient sans arrêt. Il n'y avait que le dimanche après-midi. Donc la notion de la valeur du travail. La valeur du travail... Et cette notion aussi de famille, de se dire, bon ben, on est content de se voir en famille, quoi. Ouais, c'est cet esprit qui n'est pas dû qu'au pied noir, hein, qui est purement méditerranéen, quoi. Je veux dire, qu'on aille, c'est le sud. La France était un pays travailleur, puisqu'on est, d'abord, on est dans les 30 glorieuses. Donc, on est dans la période économique où il faut tout reconstruire, où on est en plein emploi, où on se développe. Les hauts fourneaux ne cessent de fonctionner. Donc il y a tout cet élan de travail, de reconstruction et de perception de l'avenir. Ce qu'ont amené les pieds noirs, c'est simplement des bras en plus. Des bras en plus et des bras très motivés. Pourquoi ? Parce que des bras qui n'ont plus rien à faire, qui ont tout perdu, ce sont des bras qui sont motivés pour travailler. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens. Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas. Un article de loi, et les Antilles descendaient dans la rue. Je manifeste contre pour l'abrogation de cette loi scélérate. C'était l'article 4 sur le rôle positif de la colonisation, bientôt supprimé. Nous ne pouvons pas cautionner cette loi. Au moment même où le monde entier... entier veut prendre pied en Europe. Ouais. Elle macère dans la honte de soi et elle se retourne sur son passé au lieu de regarder vers l'avenir. Et elle se dit vraiment, nous avons été des barbares, nous sommes infâmes. Des sculptures faites de grands maillons de chaînes brisées. Le souvenir de l'esclavage et de son abolition en 1848 a désormais son symbole à Paris. La seule civilisation qui ait aboli l'esclavage, c'est la civilisation occidentale. Les seuls pays, c'est la France, c'est ce sont la France et l'Angleterre. Devoir de mémoire, c'est quelque chose qui va dans les deux sens, qui s'adresse aux générations, je dirais, plus aînées, et surtout aux générations futures. C'est-à-dire que aujourd'hui, la notion de communauté ou de peuple pied noir, c'est quelque chose qui est très dur à mesurer. Autant on peut parler d'une communauté israélite, une communauté musulmane, parce que ce sont des communautés fondées sur une confession. Communauté pied noir, elle, ce sont des gens issus, nés sur un même pays, dans un même pays, nés sur une même terre. Et ces gens-là, eh bien, le temps fait que ça se réduit à peau de chagrin. Donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est que des personnes de ma génération commencent à se sentir concernées. Et je m'aperçois avec bonheur que les pieds noirs parlent davantage, plus facilement à leurs petits-enfants qu'à leurs enfants. Tout simplement parce que il y a cette, entre guillemets, barrière, parce qu'un enfant, on lui a jamais parlé, et on a du mal même aujourd'hui à lui parler, parce qu'on s'occupait d'abord de faire chauffer la soupe. Parce que le problème des pieds noirs en arrivant, des Français d'Algérie en arrivant, nous reviendrons plus tard sur cette terminologie, en arrivant en métropole, ce je ne veux pas dire en Algérie ou en France, je parle d'Algérie française et de métropole, en arrivant en métropole, c'est de faire bouillir la marmite. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Je donne l'exemple de ma mère. Elle est arrivée à Toulouse, elle avait une adresse. Elle est arrivée dans un appartement, ils étaient 40. Elle est partie au fin fond de la campagne sur une autre adresse. Il n'y a rien. La France ne permettra jamais que les Algériens d'origine européenne abusent de leurs avantages économiques actuels en cherchant à exploiter les musulmans. Mais elle n'acceptera jamais non plus que les musulmans profitent de leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la minorité d'origine européenne. La France n'abandonnera jamais l'Algérie. Que de vie, que de demeure, que de récolte a protégé et protège l'armée française en Algérie. Et à quelles hécatombes condamnerions-nous ce pays si nous étions assez stupides et assez lâches pour l'abandonner ? Vous savez, les pieds noirs se sentent foncièrement français. Pourquoi ? D'abord parce que lors des deux guerres mondiales, et même à partir de celle de 1870, ils sont venus défendre une terre sur laquelle ils n'avaient même pas un caillou, la métropole. Donc, d'abord, on ne peut pas leur en vouloir à cause de ça. Ils sont venus défendre. Beaucoup de familles pieds noirs ont accueilli beaucoup d'enfants aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Des enfants de confession juive et aussi des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui pouvaient justement être emmenés dans des camps, surtout de travail. Donc, là, il faut être clair. Dire aujourd'hui pied noir, c'est très bien. Ça démontre de suite, on met un projecteur sur une communauté. Cependant, dire aujourd'hui pied noir, ça permet aussi de stigmatiser une certaine catégorie de personnes. Alors, que lorsque l'on parle d'Algérie ou de France, je préfère entendre Algérie française et métropole, quand on se situe dans le contexte, bien évidemment, et parler de Français d'Algérie et de Français de métropole, parce que les deux sont français. Parler de pied noir et de français, ça voudrait dire qu'un pied noir n'est pas tout à fait français. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur la terminologie, eh bien, il faut changer quelques réflexes. Mais ça va être dur, mais on peut y arriver. Oui, parce qu'il y a quand même le poids de l'histoire. Parce que, en effet, est-ce que les pieds noirs ont été considérés comme français? Vous le disiez même tout à l'heure, ils ont pas mal participé aux guerres mondiales. Et on n'a pas l'impression, même encore aujourd'hui, que ce soit reconnu pleinement. Si on prend par exemple le dernier film indigène, il y fait très très peu cas des pieds noirs. Effectivement, ça n'est pas encore reconnu, c'est justement le travail. Pourtant, ils étaient plus nombreux. C'est clair. Puisque l'armée d'Afrique, c'était quand même une majorité de pieds noirs. Mais ça, si vous voulez, on est toujours dans cette notion qui est, on dit les choses, mais on ne les dit pas tout à fait, tout en voulant les dire. On reconnaît, mais sans reconnaître. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut être clair dans le langage. Et dire simplement, oui, parmi les pieds noirs, puisqu'on va utiliser cette terminologie, on va dire parmi les Français d'Algérie, ben, certains n'avaient pas un comportement idéal envers la population, la communauté musulmane. C'est vrai, mais ce n'est pas le cas, il ne faut pas en faire une majorité. On a vu des centaines et des centaines de Français qui remontaient les mains sur la tête, qui remontaient la rue vers le commissariat central. Et là, il est tué au fur et à mesure. Et le lieutenant s'approchait jusque devant le grillage du lycée de Stéphane Zell. Il revenait et il allait communiquer en radio avec sans doute ses supérieurs et il demandait des instructions d'intervenir et il racontait ce qu'il voyait à ses supérieurs. Et à chaque fois, quand il finissait la communication radio, il revenait en disant « j'ai instruction de ne pas intervenir ». Il y a des événements comme ça, lorsqu'on parcourt un petit peu l'histoire, qui sont passés un petit peu inaperçus dans l'histoire officielle. Et moi, ce qui m'a arrêté ces dernières années, c'est un événement dont on a très peu parlé, c'est le 5 juillet 1962. Je ne peux pas trop vous en parler. Je n'ai que 43 ans, je suis un pied noir né en métropole. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le 5 juillet, c'est un des plus grands massacres qu'ait pu connaître la France. Quand bien même le 5 juillet, l'Algérie fut déjà indépendante, mais c'est quand même un des plus grands massacres qu'ait pu connaître la France. Sachant quand même que ces massacres-là, notamment au niveau de la guerre d'Algérie, ont commencé en 1954 et déjà avant, lors du 8 mai 45 à Sétif. Donc si vous voulez, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. 5 juillet à Oran, c'est une image très simple. Vous avez une armée française qui est cantonnée dans ses casernes, avec interdiction absolue d'aller aider ses compatriotes à ne pas se faire égorger. Si vous voulez une seule image, c'est celle-là. Des compatriotes, hein, vous dites. Des compatriotes. Puisque un métropolitain venu dans une caserne en Algérie, en face de lui, il y a une famille, et il y en a un qui a dit un jour... J'ai vu une famille, le père, la mère et les deux enfants, la voiture être retournée. J'ai voulu prendre mon fusil, on m'a dit « tu peux pas intervenir ». Quand même. Quelle nation aujourd'hui pourrait abandonner comme ça des milliers de sujets? Aujourd'hui, ça serait un scandale mondial. Après vous dire, vous raconter dans le détail le 5 juillet, ça c'est impossible. Ce que je sais, c'est que toutes les familles ont été touchées, un ami d'enfance à ma mère... Travailler, il est sorti de son travail, on ne l'a plus revu. Il n'est jamais rentré chez lui, comme tant d'autres. Et ce qu'on ne sait pas encore, ce qui reste à découvrir, des enfants orphelins, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ces enfants-là. Il y a encore tout un travail de recherche. Pourquoi avez-vous voté ? Pour l'indépendance de l'Algérie. Et quels sont vos rapports avec les Européens depuis les manifestations en ville européenne ? Eh bien, les Européens, ils nous ont fait trop de mal depuis 1958, ils se sont opposés à notre indépendance de l'Algérie. Nous, les musulmans, notre religion ne nous permet pas de faire du mal à des Européens. Ils voyaient des gens qui étaient tabassés à coups de crosse de fusil et d'autres qui étaient éventrés et qui avaient énormément de sang et de corps au milieu de la route. Pensez-vous que l'affrontement des communautés ayant cessé, maintenant la coopération est possible. Vous savez, quoi que dans ce pays, tout est possible. L'histoire participe au devoir de mémoire aussi. Lorsqu'on met des mots sur des événements, lorsqu'on met des faits, des chiffres, les choses passent plus facilement aussi, hein, lorsqu'on connaît, lorsqu'on sait. On arrive plus facilement à comprendre. Comment percevez-vous la manière dont on a eu ou dont on a encore à parler de cette histoire-là, de la guerre d'Algérie en France? Dans la vie, deux mots doivent être des règles. C'est justice et équité. Je veux bien qu'on parle de certains excès d'un côté, à condition que l'on parle de certains excès de l'autre. Mais se focaliser sur certains excès, en oubliant, ou plutôt en excusant les autres, en trouvant des excuses pour les autres, je trouve que quelque part... Si on est dans l'équité du temps de parole, on n'est pas dans la justice par rapport à ce qui est dit. Donc je pense que là, il y a vraiment un travail à faire, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, d'un côté, qu'il y ait des bourreaux et d'un autre, des victimes. Il y a eu des bourreaux et des victimes des deux côtés. Et pour la génération qui a vécu ça, comment c'est perçu ça aujourd'hui? Oh, c'est une blessure, c'est pas une reconnaissance. La génération qui a vécu ça se sent bourreau, malgré elle, se sent bourreau d'une chose qu'ils n'ont jamais faite. Les massacres perpétrés en Algérie à Melouza, Beni Hilman, Kasbah ont soulevé d'indignation le monde civilisé. Dans les ruines des villages, les 300 cadavres trouvés atrocement mutilés ont suscité l'horreur d'un geste sauvage. En métropole, comme en Algérie, les attentats commis par le FLN et les attentats au plastique se sont poursuivis. Les moyens qui ont été utilisés par les Algériens ont souvent été épouvantables, exactement comme ont été épouvantables les moyens utilisés par l'armée française. Vous avez des enfants, comment faites-vous pour leur faire passer cette culture, l'héritage que vous avez obtenu? D'abord, je les emmène dans les repas qu'on fait, les repas festifs et même les commémorations. Je vais vous donner un exemple. Le 5 juillet 2007, à Toulouse, nous avons organisé avec les gens qui sont autour de moi et qui m'aident beaucoup, une commémoration en hommage aux victimes du 5 juillet 1962 au Rang. À la fin du discours... Je donne les feuilles à ma fille aînée, qui était là, et je prends la gerbe, je lui donne. Je lui dis, viens, on va la poser tous les deux. Elle n'a que 14 ans, elle n'est pas née là-bas, elle connaît rien. Elle me demande, je la pose là, ça va aller? Elle la pose, on fait un pas en arrière, je sens sa main gauche venir dans ma main droite, je tourne la tête et je la vois pleurer. Pour moi, je veux dire que ça y est, le relais est passé. Elle a déjà l'héritage. Voilà, cet entretien se termine. Merci beaucoup à Fabrice Rodriguez.